toi, depuis toujours on ment. Si l'on déchante aussi souvent, ça n'a rien d'étonnant. On ne peut pas espérer autant d'élus que d'appeler. Bien essayé, merci d'avoir joué. Quand on a pris le départ, comment a-t-on bien pu y croire? Des rêves bleus, la vie qui passe ouvre les yeux. Quoi, on nous induit en erreur? Ce n'est rien qu'un leurre. La recherche du bonheur, si on le croise un jour, trop vite il tourne court et on repart le cœur un peu plus lourd. Quand on parlait lendemain, qu'on ne se doutait de rien, qu'il semblait doux le chemin. On a tous fait des rêves bleus, la vie qui passe ouvre les yeux. Les yeux.